Alors, voilà, ça marche, oui. Oui, alors je m'en suis tenue à la question qui m'a été posée par Annick, qui a eu la gentillesse de m'inviter à parler ici, et que je remercie, j'en profite pour la remercier. Je m'en suis tenue au sujet, puisqu'en fait, j'ai limité mon propos. J'ai l'habitude de parler d'archéologie moderne et contemporaine, et de ne pas dissocier les deux périodes. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de cloisonnement chronologique, parce qu'il n'y a pas de cloisonnement méthodologique et épistémologique. On est dans la longue durée de la compréhension des pratiques sociales. Donc, il y a beaucoup de constats, d'observations que je vais faire, dont les prolongements sont aussi valables, et méthodologiquement et épistémologiquement, pour les périodes contemporaines. Je vais essayer de limiter mon propos aux périodes modernes, et donc je me suis appliqué à retirer les références récurrentes à ces archéologies encore plus récentes que le moderne, et qui sont de bien des manières beaucoup moins légitimes aujourd'hui que l'archéologie moderne ne l'est. C'est-à-dire que l'archéologie moderne a connu ces dernières années, je veux dire ces dernières décennies, au moins ces 30 dernières années, un essor remarquable et considérable avec l'archéologie contemporaine, mais aujourd'hui, l'archéologie moderne a gagné ses lettres de noblesse, encore que je vais nuancer mon propos. L'archéologie contemporaine est quand même aujourd'hui moins bien placée dans les débats, dans les discours. Elle a encore, comme l'archéologie moderne, mais dans une moindre mesure, des terrains à conquérir, des opinions à conquérir. C'est-à-dire qu'en général, et je ferai le constat à plusieurs reprises, les premiers détracteurs de l'archéologie des périodes dites récentes sont souvent dans nos rangs, parmi les archéologues, parmi les historiens, et pas forcément parmi les archéologues qui pratiquent, je dirais, comme on pratique un sport, qui font l'exercice des périodes les plus anciennes. C'est-à-dire que c'est pas toujours les préhistoriens qui sont les plus réfractaires. Ce sont parfois les antiquisants ou même les médiévistes qui ont pourtant eu à traverser, comme le rappelait Stéphane tout à l'heure, des champs, des déserts méthodologiques et épistémologiques il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, qui sont souvent un peu, sinon réfractaires, au moins un peu réticents à aller s'intéresser à ces périodes globalement calées entre la seconde moitié du XVIe siècle et le XXe, XXIe siècle. Alors, Je me repose sur un débat qui a été aussi posé par Gilles Bellan et Florence Journeau et par d'autres avant eux, hein, Pierre-Yves Balu, par Philippe Bruneau à l'époque à Paris 4. Hein. D'un point de vue épistémologique, on en parlait tout à l'heure, on parlait de la définition de l'archéologie. Faire de l'archéologie militante pour les périodes modernes et contemporaines, ça implique de rediscuter la définition de l'archéologie. C'est-à-dire que en tant qu'archéologue, on doit considérer que toutes les productions sociales, toutes les périodes liées aux productions sociales et aux productions humaines sont de l'ordre de l'archéologie, sont l'objet de la recherche archéologique. C'est-à-dire que techniquement, on en parlait, l'archéologie s'arrête à demain, on pourrait très bien aller s'intéresser je ne sais pas si on devait, par exemple, puisque j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans la Cour des Princes et la Terrasse du Midi à Versailles, on pourrait très bien aller refaire des sondages pour mettre en évidence les niveaux de chantier qui ont permis la construction de cet espace, ou la réhabilitation de cet espace. On serait dans une archéologie des travaux hyper récents. En l'occurrence, ces travaux qu'on a mis en évidence quand on a fait ces trous à la pelle mécanique dans la terrasse, dans la Cour des Princes et la Terrasse du Midi, sont les niveaux de chantier des États 17e et 18e. Donc, je vais dresser une sorte de panorama un peu global, certainement pas exhaustif, de la manière dont l'archéologie moderne s'est déployée ces 30 dernières années. Donc ça n'a aucun caractère exhaustif et j'ai pas du tout cette prétention là puisque de toute façon le temps le permettait pas. D'une certaine manière, moi j'ai la charge de mettre en contexte puisqu'on va pas parler d'archéologie royale et j'y reviendrai plus tard en conclusion, mais finalement c'est peut-être aussi la manière de présenter le cadre général pour pouvoir ensuite discuter plus finement et de raisonner nos interrogations sur ces archéologies dites royales. Alors, un rapide petit coup d'œil sur l'historiographie de l'archéologie moderne et contemporaine, ici spécifiquement moderne. Je vais aller très vite puisque Stéphane l'a mentionné. En France, en tout cas, pèse sur la tradition, je dirais sur la pratique de l'archéologie moderne, une tradition historiographique française très liée à la pratique de l'histoire, à l'exercice de la science historique. C'est quelque chose qui pèse sur nos façons de poser les problématiques et de créer des discours indépendants, je dirais, depuis longtemps, puisque, à mon avis, c'est des pesanteurs qui sont héritées depuis le 19e siècle au moins. qui sont liées aussi à une construction de l'archéologie au XIXe siècle qui s'accentuait, qui s'orientait plus spécifiquement sur les vestiges antiques, les vestiges alto-médiévaux, et je pense évidemment aux grandes nécropoles mérovingiennes, ou à l'archéologie préhistorique. Et là, je pense à l'archéologie des allées couvertes, dolmens et autres sépultures collectives néolithiques. Alors, je vais parler un petit peu d'Europe, puisque j'ai eu la chance de me pencher sur le sujet dans le cadre d'un article pour un ouvrage qui sortira bientôt. La situation européenne est assez contrastée. Et dans ce paysage européen, on est un petit peu les... Alors, on n'est pas complètement les ovnis, mais on a quand même une position un petit peu particulière, puisqu'en Europe, beaucoup des pays ont développé une recherche moderne et contemporaine, davantage inspirée de la tradition anglo-saxonne, donc orientée sur une tradition très anthropologique, où d'emblée, on a considéré les données archéologiques comme des données indépendantes, sans forcément chercher à calquer le discours sur celui des historiens, et on a cherché à comprendre les sociétés, les productions sociales, de manière, je dirais, émancipée de la source historique. Donc on a aujourd'hui, heureusement, un équilibre, hein, je dirais un balancement entre la tradition anthropologique et la tradition historique qui est en train de se rétablir et qui fait qu'aujourd'hui, heureusement, à l'échelle européenne, on arrive à se parler quand on est moderniste ou contemporanéiste. On a encore des progrès à faire. En même temps que, bon, je pense qu'on a encore un curseur médian à placer pour réussir à discuter avec les Européens, avec les Anglo-Saxons, d'une archéologie qui serait la même de part et d'autre des frontières. Je passe très rapidement, je vous donnerai des références bibliographiques pour ceux que ça intéresse un petit peu plus tard. Alors, sur la genèse de cette archéologie moderne et contemporaine, il y a plusieurs très grands chantiers français qui sont absolument pionniers à plusieurs égards, mais qui ne sont pas que des spécificités françaises. J'ai illustré ici mon propos en présentant le cas du chantier du Louvre, de la cour Napoléon, mais aussi du carrousel, qui est l'image du bas, qui a été un chantier pionnier en matière d'archéologie moderne à bien des égards, parce que d'abord, ça a été dans les années 80 un des premiers chantiers qu'on pourrait qualifier de préventif, c'est-à-dire une archéologie de sauvetage à très grande échelle à l'époque, c'est-à-dire vraiment un chantier avec des équipes très conséquentes, des moyens très conséquents. Et c'est un chantier, presque le premier chantier préventif de grande ampleur, qui s'est concentré sur les vestiges modernes du château du Louvre. C'est-à-dire que l'essentiel des données concerne les 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Donc c'est vraiment, je dirais que la genèse de l'archéologie préventive, elle est liée au moderne et au contemporain. À l'échelle de l'Europe, Stéphane le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé pour le moderne et contemporain, et pour le contemporain en particulier, aux sépultures de soldats et aux manifestations des Premières et Secondes Guerres mondiales. La genèse de l'archéologie moderne, elle s'est concentrée sur ces questions-là, mais elle s'est aussi concentrée dans les 70 et 80 sur l'archéologie urbaine. Parce qu'à travers toutes les grandes villes d'Europe, alors je pense à Trondheim en Norvège, à Lund en Suède, à York en Grande-Bretagne, évidemment à Paris, à Sienne, à Pise, toutes les grandes villes européennes qui ont fait l'objet de réhabilitations importantes après la guerre, se sont trouvées face à... Les archéologues en fait, ont été confrontés à des données massives concernant les périodes modernes et contemporaines, ont dû les prendre, ont été face à une injonction de les prendre en considération. Ces vestiges, alors j'ai mis différentes illustrations qui montrent la force de la capacité de réaménagement de l'après-guerre qui a incité l'archéologie européenne à s'intéresser à ces vestiges récents, puisqu'on prenait, on était face à des objets en cours de destruction, en cours de disparition. Et les archéologues, souvent médiévistes, ont remonté les manches et se sont mis à enregistrer ces données concernant les périodes modernes et contemporaines. Donc on a décuplé la masse de données. Ça a généré du coup une production théorique et historique et bibliographique assez importante. La mise en place de cours dans les universités, je pense à Paris 4 pour la France, à Paris 1 ensuite. Et on a vraiment, ça a été vraiment, l'acte de naissance de ces périodes modernes et contemporaines en matière d'archéologie. Alors j'avais mis une petite image qui m'est précieuse, mais qui, à mon avis, aussi assez symptomatique de cette période, c'est celle de l'exhumation, le sauvetage du Vasa en Suède dans les années 60, qui a été aussi un acte, à mon avis, assez majeur pour ces périodes. Alors, je vais allez, je vous offre un petit panorama assez, assez grossier, hein, mais sur ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière d'archéologie moderne, en brassant des champs qui ne sont pas forcément toujours les miens, et je ferai référence à mes collègues, pour vous dire qu'aujourd'hui, non seulement les problématiques se sont diversifiées, les champs de recherche se sont diversifiés, mais la multiplication des données pour les périodes modernes en particulier, contemporaines également, permet de mieux raisonner notre manière de la pratiquer, notre manière d'exploiter ces données et de les mettre en perspective, les mettre en perspective dans le cadre d'un propos historique et anthropologique. Et c'est ce que permet l'archéologie moderne et contemporaine, comme devraient le faire les périodes plus anciennes, mais c'est ce que cette mise en perspective historique et anthropologique, elle est liée à la puissance de la confrontation des différents types de sources. On a la chance d'avoir des données très abondantes, des données écrites, données cartographiques, données iconographiques à confronter à nos données. Moi, je suis un farouche défenseur de ces périodes, mais j'ai tendance à dire, et je le crois profondément, que les sources doivent être confrontées parce qu'elles ne sont pas complémentaires, que ce sont des sources qui sont produites dans le cadre de démarches différentes et qu'on construit des discours divergents en analysant ces sources différentes. Ça veut dire qu'on doit confronter ces sources et ne pas mélanger les discours qui sont issus de l'analyse critique de ces différents types de sources. Donc pour moi, il n'y a pas de comblement. L'archéologie n'est pas là pour combler les manques de la source historique. La source historique n'est pas là pour combler... Oui, j'ai tendance à dire historien, je trouve que le mot n'est pas très joli, mais parce que j'ai tendance à dire que l'archéologie est une source historique. Donc la source archivistique est une source historienne, si je peux me permettre l'expression qui n'est pas très élégante. En tout cas, c'est l'ensemble de ces données contribue à un discours historique. Et j'ai tendance à dire que l'archéologie doit développer ses propres discours, ses propres problématiques pour permettre de construire d'autres fils directeurs de la connaissance historique ou anthropologique. On y reviendra. Alors sur l'espace rural, premier sujet qui tient à cœur à un certain nombre de personnes dans cette pièce. Hein, je pense à Jean-Yves, qui a été un des grands acteurs, un des grands moteurs de cette archéologie depuis une vingtaine d'années, mais sans doute un peu plus. L'espace rural, les pratiques agricoles modernes, elles sont devenues un objet central de la recherche, en particulier grâce à des acteurs dynamiques en Île-de-France, mais dans d'autres régions aussi. On s'est mis à enregistrer, à collecter les données sur des sites où on fouillait des enclos de l'âge du bronze ou je ne sais quelle autre période. On s'est mis à prendre en compte et à enregistrer les fosses de plantation, les fossés de drainage, les fossés d'enclos, les murs à pêche, là, moi, je vous ai mis l'exemple des murs à pêche de Montreuil, étudiés par Jean-Yves. Ici, l'exemple d'une faisanderie mise en évidence à Saint-Pathu, dans le nord de la Seine-et-Marne, faisanderie du XVIIIe siècle, mise en évidence sur un site antique et alto-médiéval, dont on n'avait aucune connaissance avant, c'est-à-dire que c'est le premier plan archéologique, la première cartographie d'une faisanderie du VIIIe siècle. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait trouver d'autres élevages d'oiseaux de ces périodes-là grâce à ce type de données. On prend l'exemple souvent on exploite les données paléo-environnementales, aussi dites bio-archéologiques, donc vous donner un certain nombre de gros mots, mais qui sont notre quotidien linguistique, c'est-à-dire la palynologie, la carpologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étude des graines, l'étude des pollens, l'étude même des parasites intestinaux dans les fosses, dans les latrines, permettent, donc toutes ces disciplines dites bioarchéologiques permettent aujourd'hui de considérer les pratiques agricoles et espaces ruraux de manière très différente, puisqu'on peut collecter des données sur ce qu'on appelle les écofacts, donc des données sur le vivant conservé. Et on peut restituer des paysages, restituer des milieux, montrer la force des transformations de l'espace rural pendant les périodes modernes et contemporaines. Et montrer qu'en réalité, cet espace rural, ces pratiques agricoles qui sont extrêmement dynamiques, et en Île-de-France au moins autant qu'ailleurs dans le paysage français, ces pratiques, elles sont des héritages et qu'on est dans des paysages qui sont aujourd'hui transformé et artificialisé. C'est-à-dire qu'on revient complètement sur l'idée d'un espace naturel dont on aurait bouleversé la naturalité, entre guillemets, au XXe siècle. Ça, ce sont vraiment des données fondamentales. Alors, un petit insert, mais ça, c'est des débats qu'il faudrait qu'on ait aussi au CNRA, parce que je pense qu'aujourd'hui, la place de l'archéologie du bâti, l'archéologie sur le bâti, comme dit Victorine Mataouchak, elle est assez mésestimée, et que l'habitat vernaculaire, notamment, est assez peu étudiés, mal étudiés, souvent peu prescrits, peu pris en compte dans nos problématiques de recherche. Et je sais que je vais encore citer Jean-Yves qui va rougir. Certains de mes collègues s'intéressent beaucoup aux bâtis agricoles, c'est-à-dire fermes, lieux artisanaux, boucheries, tous ces sites qui composent en Île-de-France, même dans l'urbain, dans les villes comme Tremblay en France, comme Saint-Denis, La Courneuve, ici à Versailles, on a des espaces complets qui sont en cours de transformation et dont on perd la connaissance. On perd la connaissance de cette ruralité dans l'urbain parce qu'on ne fait pas assez attention à ce type d'archéologie qui est en élévation, mais qui est quand même de l'archéologie. Alors, pour l'urbain spécifiquement, alors, vous me direz, on fait de l'urbain depuis longtemps et on n'a pas attendu le développement d'une archéologie moderne et contemporaine pour faire de l'urbain. Ce qui a changé, effectivement, ce n'est pas le fait de rentrer dans les sous-sols de nos villes en profondeur jusqu'à 6 ou 8 mètres pour aller chercher le plus ancien que l'ancien. C'est qu'aujourd'hui, on prend de mieux en mieux en compte, de plus en plus, et j'ai envie de dire de plus en plus et de mieux en mieux, encore que c'est encore un constat qui est sans doute hétérogène, parce que c'est malheureusement pas le cas de manière homogène sur tout le territoire, mais on prend de mieux en mieux en compte les couches les plus récentes. C'est-à-dire qu'il était encore, et malheureusement l'habitude n'est pas encore complètement prise, mais il était encore très, je dirais, normal, il y a une vingtaine d'années, de passer à travers les couches stratigraphiques constitutives des rythmes de l'urbanité, des rythmes urbains. Le moderne et le contemporain a été enlevé à l'appel mécanique pour pouvoir aller chercher les niveaux les plus anciens qui étaient dignes d'intérêt du point de vue archéologique. Aujourd'hui, on sait que puisque l'archéologicité n'est pas liée ni à l'enfoui ni à l'ancien, et qu'aujourd'hui on doit considérer l'ensemble des pratiques sociales sur la très longue durée, on doit prendre en compte le très récent. Le très récent, j'entends le moderne et le contemporain par rapport au très ancien qui serait le paléolithique, le mésolithique et je ne sais quoi d'autre. Donc on a quelques exemples ici, alors à Strasbourg, à Marseille, à Rennes pour le couvent des Jacobins, à Metz aussi, où ont été mis en évidence des vestiges modernes et contemporains qui sont au moins aussi importants que les vestiges antiques ou médiévaux trouvés en dessous. Ici, vous avez à Rennes, si je me trompe, les éléments d'une blanchisserie du 19e, 20e siècle, hein, dans mon souvenir. Et vous avez des éléments qui sont mis en évidence de ce type-là. Je pensais à l'île aux Cygnes aussi à Saint-Denis, qui a révélé les éléments d'une blanchisserie du 18e, 19e siècle avec des cuves enterrées qui sont, dont on a perdu la connaissance et la pratique, puisque ce ne sont plus du tout les pratiques industrielles de l'époque. Alors, c'est sur l'urbain, ce qui m'intéresse d'un point de vue plus fondamentale, c'est-à-dire que la stratigraphie dans sa totalité, élévation comprise, elle est fondamentale, elle est constitutive de notre activité, elle est fondamentale, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'on est capable de dire sur les transformations de l'espace urbain, sur les phénomènes de rétraction, sur les phénomènes d'expansion de cet espace urbain, que ne disent pas les textes parce qu'ils sont orientés sur d'autres aspects, d'autres discours. On est capable de mettre en évidence, alors je pensais à un cas comme celui de Bordeaux avec Frédéric Gerbert de l'INRAP qui avait travaillé sur la transformation de la zone portuaire de Bordeaux en lien avec le développement, je dirais la multiplication des tonnages de bateaux en lien avec le commerce triangulaire. Ça, c'est des travaux, c'est comme les travaux de fortification dans les grandes villes comme Lille ou ailleurs, hein, c'est des phases d'urbanisation qui sont absolument considérables, qui transforment l'espace urbain de manière radicale, souvent qui transforment un espace urbain médiéval hérité depuis plusieurs générations ou plusieurs siècles, et qui montrent l'adaptation des sociétés à de nouveaux impératifs économiques, sociaux, culturels. Je vous renverrai à nouveau vers un article de Nouvelles de l'archéologie pour ces questions-là. Je me dépêche parce que je pense que je vais largement déborder sinon. Alors l'archéologie de l'habitat des élites, Stéphane l'a dit, c'est un peu mon cheval de bataille puisque je travaille sur ce que j'appelle les élites ordinaires, les élites rurales ordinaires. Alors là, ici, dans le cadre de Versailles, de Marly, de Chambord, on est chez les grandes élites du royaume et du coup, on est un peu hors sujet pour moi. Mais finalement, on a la chance à travers l'exploration de ces habitats dits d'élite, donc c'est d'explorer la stratification, la complexité des stratifications sociales des sociétés anciennes, dans le sens où, en même temps qu'on va intervenir sur les grands châteaux royaux ou princiers, alors je vous ai mis un petit clin d'œil, parce que là vous avez une image de Chambord dont Simon nous parlera plus tard, demain je crois, ou après-demain, le fameux château de Roissy en France qui a été fouillé abondamment dans les années 90 et qui a fait l'objet d'une très belle publication en 2014. et qui est un petit Versailles dans son genre. Hein. Les vestiges laissent pas du tout augurer la qualité du site du XVIIe, XVIIIe siècle. Un petit clin d'œil à ce qu'on a fait avec mon collègue Xavier Rochard à Versailles sur la terrasse du Midi, mis en évidence les niveaux de chantier, les niveaux d'aménagement du XVIIe et XVIIIe siècle, les adductions d'eau des niveaux des ensembles du XVIIe siècle. Hein. Mais je voulais aussi insister sur le fait que ces stratifications sociales, elles ne sont pas forcément liées qu'aux grandes élites, et qu'on a la chance, en s'intéressant aux lieux de pouvoir, d'aller explorer la ruralité et surtout, je dirais, le caractère ordinaire de ces élites, c'est-à-dire les petits nobliaux ruraux, les petits chevaliers, les petits écuyers qui font partie des classes seigneuriales mais sans le sou, les gros laboureurs et les franges supérieures de la paysannerie qui se font aussi partie des processus élitaires, de ces stratifications élitaires. Donc on a aujourd'hui, grâce à l'appréhension de cette complexité, renouveler notre lecture des stratifications sociales et on a pu aller explorer des couches sociales élitaires beaucoup plus ordinaires que celles celle sur lesquelles se portait le prisme, la focale depuis de longues années. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. On pourrait en parler pendant des heures et je reviendrai dessus, mais non, je vais garder ça pour la conclusion. Je vais, parce que sinon, je vais digresser puis je vais partir en tous les sens et on finira pas. Donc. Alors ça aussi, c'est un autre cheval de bataille, parce que c'est une question de définition de ce qu'on fait et de la façon dont on pose nos problématiques et nos raisonnements. On a beaucoup parlé d'archéologie industrielle, puisque dans les années 70, l'archéologie industrielle a été un des moteurs d'émergence de l'archéologie moderne et contemporaine, grâce à Maurice Domas et à d'autres. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, et je ne suis pas la seule, parce qu'on se rejoint là-dessus avec Gilles Bélan, mon collègue de l'INRAP, je pense qu'il n'existe pas d'archéologie industrielle et qu'on doit parler d'une archéologie des sociétés en cours d'industrialisation ou des sociétés industrielles. Et qu'en réalité, on ne peut pas s'intéresser qu'aux moyens de production ou à la consommation de ces produits transportés. Donc évidemment, on s'est concentré sur les tuileries, faïencerie, sur les briqueteries et autres artisanats de la tabletterie, et j'en passe des meilleurs. Les artisanats du verre et de la céramique ont souvent eu le haut du pavé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut s'intéresser de manière plus générale à l'ensemble des pratiques sociales liées à ces processus d'industrialisation qu'ont connu les sociétés depuis le XVIe siècle, notamment avec l'ouverture, l'éclatement. L'éclatement des marchés, mais c'est l'éclatement de l'espace social et de l'espace géographique, qui font que ces périodes-là sont assez cruciales en termes de changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment un changement des échelles de production, mais aussi un changement des échelles sociales. Et que, sur ce coup-là, les anglo-saxons sont un petit peu plus fins que nous, je pense, parce qu'ils ont compris, à belle lurette, il y a en tout cas quelques décennies, qu'on ne pouvait pas s'intéresser qu'aux moyens de production et qu'on devait aussi se concentrer, donc pas seulement sur le bâti, les usines en cours de réhabilitation, je ne sais quoi, mais qu'on devait aussi s'intéresser aux conditions, au changement des conditions de vie et des conditions de travail des sociétés qui sont prises en plein dans ces processus. Et notamment, pour des périodes un petit peu plus récentes, notamment les périodes contemporaines, les Britanniques ont pris l'habitude de s'intéresser aux asiles pour pauvres, aux asiles de jeunes travailleurs, d'enfants qu'on faisait travailler dans les orphelinats à travers la Grande-Bretagne, et qui sont des lieux, à mon avis, absolument saisissants en termes d'archéologie, parce qu'on récupère des données qui ne sont contenues dans aucune source. C'est-à-dire que la société qui maltraite ses pauvres ou qui maltraite ses enfants dans le cas d'une exploitation industrielle ne va pas aller le rapporter dans un document textuel. C'est-à-dire que ça, ce qu'on pratique derrière la sémiologie, c'est quelque chose qu'on tait. Donc on a des choses à dire sur ces sociétés qui sont autres que la production. On y reviendra, je passe très rapidement. Alors ça, ce n'est pas le sujet que je préfère parce que ce n'est pas celui qui m'est le plus familier. Mais j'ai aucune appréhension à fouiller les sépultures, ça ne me pose aucun problème, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué, l'anthropologie, pour tout un tas de raisons dont on reparlera peut-être, hein, notamment pour des raisons de changement d'échelle, et on en parlait hier à Vitry-sur-Seine, dès qu'on a des sépultures, tout devient très compliqué, donc c'est en termes de prescription et de d'échantillonnage, la sépulture est un enfer. Mais ceci dit, il y a d'autres choses à dire que la sépulture et l'étude ostéologique et l'étude anthropologique au sens ostéologique. L'archéologie moderne, d'ailleurs, à mon avis, en est un des fers de lance. C'est montrer qu'aujourd'hui, on peut s'intéresser aux espaces funéraires, aux pratiques et aux espaces funéraires de manière un peu diversifiée. Et indépendamment de la fouille, je dirais, du. Je vais pas, non, je vais pas prendre les mots d'Hervé Guy pour parler de ça, sinon vous allez être choqués. Mais on s'intéresse au dépôt et à l'objet du dépôt, mais on peut s'intéresser aussi à la topographie sociale de ces espaces funéraires. On peut s'intéresser à la monumentalité de ces espaces funéraires, à la façon dont les changements des pratiques sociales se matérialisent dans notre façon dans la répartition notamment des espaces funéraires dans un cimetière. Alors j'ai pris l'exemple d'un cimetière de Glasgow que je connais bien et qui est absolument magnifique parce qu'il a un caractère monumental surprenant. Et au travers duquel on lit, sans même avoir à fouiller, juste en prenant en observant la monumentalité de ce cimetière, c'est une nécropole absolument gigantesque, de lire les phases, l'évolution, donc ces phasages dans l'évolution, de la façon dont on cartographie la société dans sa hiérarchisation. Donc on a une société très hiérarchisée qui traduit cette pratique des hiérarchies sociales dans l'espace. Et dans l'espace des défunts, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui donne à voir le discours sur la société. Pour ces périodes-là, qui sont souvent un petit peu particulières parce qu'on a des morts récents et donc on a toujours un peu plus de réticence à aller les chercher, surtout si malheureusement ils ont conservé quelques cheveux, poils et autres éléments, notamment je pensais aux chaussures des soldats de la Première Guerre mondiale. J'ai mis quelques images de la Dame de Kango dont vous avez dû entendre parler, mais parce que c'est une sépulture exceptionnelle pour un contexte du XVIIe siècle, un état de conservation exceptionnel. Je vous invite à aller sur le site de l'INRA pour regarder les films et les photos sur ce sujet, parce que c'est vraiment assez phénoménal. Mais je voulais dire plus largement qu'on avait aussi appris à s'intéresser à autre chose qu'au cimetière en tant qu'espace funéraire. On a aussi appris à poser le regard sur des objets qui n'étaient pas forcément toujours pris en compte il y a encore quelques décennies. J'ai pris l'exemple ici des sépultures collectives d'Issoudun, qui sont les sépultures de, je dirais, la gestion de masse de la mort pendant les guerres de Vendée dans les années 1780-1790. Donc là, on a un cas qui va aussi toucher au sujet d'après, c'est-à-dire à l'archéologie militaire ou à l'archéologie des contextes militaires. On a ici on est capable de dire autre chose de ces espaces funéraires, on est capable de dire autre chose de la réaction ou des pratiques des vivants face à la mort, de manière qu'elle soit collective ou individuelle. Donc c'est vrai qu'il y a un autre regard à poser sur l'espace funéraire, et c'est pour ça que souvent je parle d'archéologie funéraire plutôt que d'anthropologie, parce qu'en réalité je pense qu'on fait de l'archéologie funéraire et qu'on doit prendre la globalité du sujet, comme pour l'industriel, on prend pas l'archéologie industrielle, on prend les processus d'industrialisation et pas un sujet isolé à l'intérieur d'une grande boîte. Une des dernières diapos, alors c'était, on y reviendra parce que samedi, je vous parlerai du Fort Saint-Sébastien de Saint-Germain-en-Laye qui a été fouillé en 2011-2012. Sur la question des conflits et pratiques militaires, alors forcément, quand j'ai retiré la partie contemporaine, il me restait plus grand-chose. J'ai retiré tout le premier et seconde guerre mondiale, il me restait plus forcément beaucoup d'éléments, mais finalement, ça recentrait un peu mon propos sur une matérialité des conflits et des pratiques militaires qui a été un peu le parent pauvre ces dernières années et qui connaît depuis un peu moins, je sais pas, j'allais dire une dizaine d'années, mais ce serait pas vrai, ce serait plutôt 5 ou 6 ans, une espèce de d'essor assez important, notamment, et sans faire de fausse modestie, mais sous l'effet du Fort Saint-Sébastien, parce que ça a été un chantier tel que ça a suscité beaucoup d'intérêt, et du coup ça a réveillé une dynamique à travers toute l'Europe, parce que c'est un sujet européen, c'est celui de la guerre de siège. Il se trouve qu'on a des territoires en Europe qui sont des territoires de conflit, qui depuis 5 ou 6 siècles ont connu tous les conflits, qui ont été traversés par tous les conflits jusqu'à la Première et la Seconde Guerre mondiale, et qu'on a sur ces territoires, notamment du nord de la France, de l'est de la France, et des territoires du Luxembourg, de la Belgique, et j'en passe, de la Hollande aussi, des vestiges qui disent autre chose du conflit et de la guerre, alors qui disent la ligne de front, la ligne de conflit, qui disent le combat, qui disent la stratégie, l'avancée tactique, les stratégies militaires diverses et variées, mais qui disent aussi le quotidien des troupes, qui disent aussi la logistique, qui disent aussi la pénibilité de la vie de camp, et que toutes ces données-là, sur les guerres de siège depuis 5 ou 6 siècles, j'allais dire depuis Charles Quint, mais sans doute même un peu avant, parce qu'à l'époque médiévale aussi, malheureusement, les territoires du nord et de l'est de la France ont connu énormément de combats, on a appris à poser un regard différent sur ces vestiges de la guerre. Et en fait, moi, on en parlera samedi, mais finalement, on parle presque moins de la guerre que de la société des gens de guerre. Ça, c'est un terme que j'aime bien, la société des gens de guerre. Parce que finalement, on revient à l'homme, à la masse, au groupe, à la troupe, mais on revient à la vie quotidienne et à la façon dont la société s'adapte à une situation de crise et de tension. Le conflit étant pas toujours armé, on peut avoir aussi on en parlera samedi, des tensions diplomatiques qui sont traduites aussi par les vestiges parce qu'elles sont porteuses de discours. C'est ma dernière, avant la conclusion. Une archéologie qui me tient à cœur aussi, qui est une archéologie des contextes coloniaux, que j'apprends à raisonner grâce à mon intervention, à ma participation à la commission interrégionale pour l'outre-mer, hein, archéologique pour l'outre-mer, qui va bientôt s'appeler CTRA. Ce sont des territoires qui sont assez étonnants, parce qu'en fait, quand on est confronté à ces contextes culturels-là, on est confronté à l'archéologie des pays européens, en migration, en colonisation. Mais bon. Et qu'en réalité, j'ai réalisé il y a à peu près 2 ans que c'était faire une erreur assez grave que de lire ces vestiges-là, ces éléments culturels-là, comme une simple transposition très européano-centrée de nos problématiques. Et qu'on est obligé de c'est tout l'intérêt de cette SIRA, c'est que moi je suis en train d'ouvrir mes horizons de manière radicale. Il faut considérer les phénomènes de concurrence, les phénomènes de compétition, d'abord entre, je dirais, les cultures exogènes et les cultures halogènes, qu'on a des phénomènes de alors le terme qui me vient est religieux, mais ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a des phénomènes d'acculturation de toute façon qui se font des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a des populations natives qui vont influencer les cultures européennes, et on a aussi au sein de ces espaces géographiques très particuliers des concurrences, des compétitions fortes entre différents types de cultures européennes. Donc on est obligé de changer de regard par rapport à l'analyse qu'on fait de nos territoires européens, en tout cas de nos problématiques françaises métropolitaines. J'oublie sans doute des milliards de choses, parce qu'évidemment, comme vous le voyez, j'ai plein de pages et j'ai absolument rien lu. Je fais ça à chaque fois. Donc ça nourrira peut-être la discussion. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, je vais conclure. Voilà, il est temps de conclure. On ne voit pas passer le temps quand on est derrière le micro, mais on sait qu'il passe, mais on ne voit pas. Alors, je vais conclure pour vous dire que, pour moi, l'archéologie moderne et contemporaine, elle n'a pas de spécificité par rapport à... Enfin, il n'y a pas de spécificité méthodologique ou technique par rapport à l'archéologie période plus ancienne. Mais je trouve que... Alors, c'est ma position, mais c'est aussi mon tempérament. C'est-à-dire que la position militante qu'on doit avoir vis-à-vis de l'archéologie moderne et contemporaine, elle oblige à serrer les discours, à raisonner nos pratiques et nos méthodes. Elle oblige à réfléchir en permanence à la limite de nos interprétations, parce qu'on est toujours confronté à d'autres sources que la source archéologique, et qu'elle a un intérêt presque rétrospectif, l'analyse pour les périodes modernes et contemporaines. Parce que ce qu'on est capable de mettre en évidence sur le caractère faillible de nos raisonnements, ce sont des leçons qu'on tire pour les périodes plus anciennes. Ça, c'est une première chose. La deuxième, et on en reparlera, je pense que Stéphane est habitué, mais c'est un débat que j'ai souvent et qu'on aura sans doute ici ensemble. L'archéologie moderne contemporaine, elle oblige, et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup, elle oblige à un raisonnement extrêmement carré sur l'analyse critique qu'on fait de nos documentations, au pluriel. C'est-à-dire que les documents archéologiques nécessitent une analyse critique serrée pour pouvoir les exploiter et poser des interprétations à caractère historique et anthropologique. La documentation écrite, quand on la sollicite, elle nécessite une analyse critique. C'est pareil pour la cartographie ou l'iconographie, avant d'être mise en confrontation, avant que les données soient mises en confrontation. Et cette analyse critique, malheureusement, elle n'est pas toujours faite de manière très habile, pour tout un tas de raisons. Donc ça, c'est un de mes grands chevaux de bataille, parce que je pense qu'il faut vraiment que, pour que l'archéologie moderne et contemporaine gagne sa légitimité, il faut qu'on apprenne à avoir des raisonnements plus rigoureux encore que pour les périodes plus anciennes. Parce qu'on doit faire la démonstration, et on la fera encore, parce que malheureusement, j'aimerais bien vous dire que tout a changé en moderne et contemporain depuis 30 ans et qu'on a tout renouvelé, tout rénové. En réalité, on le voit tous les jours. Le moderne et le contemporain ne sont pas encore complètement acquis. Et j'ai encore trop de collègues qui contestent la légitimité d'aller fouiller un camp du 17e siècle ou je ne sais quel autre vestige du 18e ou du 19e. Alors vous imaginez pas le 19e, hein. Ça, tu montrais les statues soviétiques de Baillet, ça a fait un tollé parmi certains collègues qui comprenaient même pas pourquoi on allait fouiller ce genre de vestiges. Donc, moi, je vous ai mis quelques références biographiques dont on pourra reparler si vous voulez, qui permettront d'enrichir le discours et le débat. Je voulais juste finir ce petit exposé un petit peu militant, et parce que je pense qu'on a encore du militantisme à faire. Sur le fait que, alors là, je vais revenir sur le colloque et je livre mon interrogation à l'ensemble de cette assemblée, à votre sagacité. Moi, je me suis interrogé quand Annick m'a invité à venir sur la pertinence du terme d'archéologie royale. Alors, je vais faire ma Joëlle Burnouf, je vais dire que ça n'existe pas. Sincèrement, je pense qu'il n'existe pas d'archéologie royale. Mais je livre à votre interrogation, on en discutera. Je pense qu'on peut dire qu'il existe une archéologie des contextes royaux. Et justement, puisque je suis quelqu'un qui travaille sur les élites ordinaires, je sais qu'en tant qu'archéologue, même quand je fouille dans un contexte royal, dans la cour des princes, sur la terrasse du Midi, dans le grand commun ou à Chambord, ce que je mets en évidence, c'est la complexité des stratifications sociales. Et qu'en réalité, la densité, la diversité des vestiges qui sont donnés à lire à l'archéologue, y renseignent une société qui est extrêmement complexe. On le verra pour Saint-Sébastien, le fort Saint-Sébastien de Saint-Germain-en-Laye. Ce qu'on voit, ce qu'on lit, c'est la société dans son épaisseur sociale. Et qu'en réalité, quand on a fouillé sur la terrasse du Midi ou dans la cour des princes, ce qu'on a mis en évidence, c'est tout sauf les modes de vie royaux. Et je pense que Jean-Yves pourrait pas dire le contraire, même sur le grand commun. C'est-à-dire qu'on n'est jamais confronté aux vestiges du mode de vie royal. On est confronté à tout autre chose. Et on en reparlera. Je vous livre ça comme question et j'en finis là. Merci.